Et nous revoilà donc pour la dernière partie du podcast qui concernera l'équipe de France. Et pour parler avec Baptiste et moi de ce sujet, on accueille Stéphane Delbecq, qui est le PDG de footballistique.com, un projet qui a été lancé en janvier dernier, il me semble. Le site internet était sorti en janvier dernier et j'avais à l'occasion, je ne sais pas si vous en rappelez, mais interviewé Stéphane. Et il est donc avec nous aujourd'hui pour sa première participation à un podcast Football Right. Salut Stéphane. Bonjour Albertine, bonjour Baptiste, bonjour tout le monde. Et donc on va commencer sans plus attendre à parler de l'équipe de France. Stéphane, tu vis aux États-Unis, à San Francisco pour être plus précis, pardon. Donc tu as peut-être l'occasion de suivre d'un peu plus loin que nous l'équipe de France. Alors est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment avec l'équipe de France, quelque chose est en train de se créer? Et est-ce que tu vois l'avenir plus serein pour cette équipe? Oui, alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte pour ce match-là. La première chose à prendre en compte, c'est le niveau d'adversaire. Donc il faut que l'Angleterre est un pays qui est non seulement en construction, mais qui en plus pour ce match-là en particulier avait des difficultés à trouver quelques joueurs. On l'a bien vu, ce n'était pas l'Angleterre qu'on en attendait normalement. Il y avait beaucoup d'absents. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième, en tout cas, il y a vraiment un projet de jeu. Il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Une volonté d'aller de l'avant, d'attaquer, de construire, de partir de la base, de derrière, de construire, d'attaquer, et qui fait vraiment plaisir, qui nous change. Bon, bien sûr, on ne va pas revenir en arrière avec ce qui s'est passé avant la prise de fonction de Monsieur Blanc, que j'apprécie énormément par ailleurs, mais ça c'est une parenthèse. Mais par contre, on voit bien qu'il y a véritablement une génération qui est là, qui a envie de gagner, qui a envie de jouer ensemble, qui s'amuse sur le terrain, et ça fait vraiment plaisir en tant que fan. Ouais, on a retrouvé des matchs assez plaisants de l'équipe de France et de gagner contre l'Angleterre. On va arrêter de faire nos Français de trouver des excuses, même s'il y en a pour l'Angleterre. On a gagné et ça fait plaisir de gagner à Wembley 2-1, même si la fin de match, tu sens un peu que les joueurs ont un peu raccroché les crampons en sélection, quoi. En même temps, moi, d'un autre côté, j'ai l'impression que certains restent encore sceptiques de l'équipe de France à la vue des adversaires qu'on a affrontés pour l'instant, parce que tout le monde est d'accord pour dire que l'Angleterre n'était pas son meilleur niveau, etc. Et au fond, peut-être que certains ne souhaitent pas trop s'avancer parce qu'ils ne savent pas où on va vraiment avec cette équipe, notamment face à des gros. Déjà, moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes en phase de reconstruction. Il est important de repartir des fondamentaux parce qu'évidemment, il y a eu des grosses déconvenues. Donc c'est important pour nous de jouer des matchs, d'apprendre avec cette passion de joueurs, de créer véritablement quelque chose, une dimension de groupe entre ces joueurs-là. Et ce n'est pas forcément mauvais que de jouer contre des adversaires qui sont relativement faibles, et je dis bien relativement, parce qu'il faut que l'on trouve une façon de jouer ensemble, il faut que l'on permette à ces joueurs-là d'apprendre à jouer ensemble et affronter comme ça des grosses équipes tout de suite, type Pays-Bas, type Espagne, type même Allemagne, en match officiel ou en match amical, ce serait très compliqué. Donc là, l'Angleterre, ça fait plaisir, comme disait Baptiste, on ne doit pas cacher notre plaisir. C'est important de le faire. Pour le moral, ça fait du bien. Le prochain match, c'est le Brésil, faut l'oublier. Le Brésil qui, en plus, est parti aussi, repart de loin, mais par contre, a un potentiel énormément supérieur à ce que nous a offert l'Angleterre en face de nous. Donc voilà, et c'est important, je pense, de se dire, ok, voilà, on a besoin d'engranger de la confiance, on a besoin de prendre des points en qualification pour l'Euro 2012. Les matchs amicaux, là, contre l'Angleterre, il y a quelques temps, et maintenant, en février, contre le Brésil, sont des matchs importants pour la préparation. 2012, et même, j'ai tendance à penser 2014. Donc voilà, ne soyons pas trop gourmands. Donnons un peu de temps à Laurent Blanc et à ses joueurs et on verra bien ce qui se passera. Alors Stéphane, tu disais qu'il était mieux de ne pas revenir en arrière et de ce qui s'était passé avec Domenech. Néanmoins, il y a eu un événement quand même assez important avec cette Angleterre-France, c'était le retour d'Abidal sous maillot bleu. Alors est-ce que ce retour vous a choqué, troublé, dérangé ou au fond fait ni chaud ni froid? Sur le principe, ouais, ça me choque. Ça te dérange? Parce qu'il fait partie de l'époque noire de l'équipe de France et d'un truc qu'on n'avait pas envie de retrouver, surtout dans cette période un petit peu où on prend Laurent Blanc pour le chevalier blanc et on essaie d'oublier le passé. On voit ce gars revenir, bon, il a fait des prestations qui font qu'il est là, s'il est pris par Laurent Blanc, on espère et on sait que c'est pas juste, c'est pas de la provocation du tout, c'est une récompense par rapport à ce qu'il est en train de faire. Moi, ça me choquera quand même, et même si quand Ribéry va revenir, parce qu'il risque de revenir, ça va me choquer aussi de la même façon. Ces joueurs-là, pour moi, ont normalement dit adieu à l'équipe de France en faisant ce qu'ils ont fait cet été. Donc, il n'y avait pas normalement à y reprendre. Bon, après, la décision appartient à leur ensemble. Oui, oui, je suis d'accord avec Baptiste. Moi aussi, sur le principe, ça me choque pas mal. Maintenant, il faut aussi se dire qu'on a besoin de cadres en équipe de France et que même si il y a un comportement qui a été assez exécrable pendant la Coupe du Monde, voilà, si le gars fait des bonnes performances en club et qu'en plus dans le vestiaire ça se passe bien, moi je fais confiance à Laurent Blanc pour justement trouver les bons mots pour driver justement ces petits canards boiteux que nous avons eus pendant la Coupe du Monde et en fait en faire des piliers de vestiaire. Comme toi, Baptiste, j'ai aussi un peu peur que Ribéry revienne, et je sais que ça va t'embêter, cher Albertine. Moi, je serais plus sévère avec Ribéry, parce que évidemment, lui a pris une part prépondérante de ce qui s'est passé. Maintenant, je dirais ce qui est le plus important, c'est que sur le terrain, chacun des joueurs, qu'ils aient été à Meissner ou ailleurs, fassent leur preuve en club et que Laurent Blanc, finalement, ne sélectionne que les meilleurs et pas uniquement des gens qui penseraient avoir le droit de venir jouer en équipe de France. Jouer en équipe de France, c'est un honneur, c'est une responsabilité extrêmement importante et ne vient pas qui veut. Donc, par exemple, Patrice Evra, ben, là, lui, par exemple, ça va être assez compliqué pour revenir. Maintenant, voilà, s'il enchaîne des bonnes performances avec United, pourquoi pas. Ça fera très mal au cœur aux fans de football qui en ont pris plein la tête et plein les entrailles pendant la Coupe du Monde et avant. Mais bon, en même temps, voilà, on veut que l'équipe de France gagne, on a envie qu'elle regagne, et peut-être qu'il va falloir s'asseoir dessus. Ça fera mal, évidemment. Ouais, enfin, moi, personnellement, si je revois un jour en équipe de France alignée Abidal, Evra et Ribéry, ce sera... Enfin, je trouvais ça vraiment aberrant, quoi. Il faut quand même se rappeler que ces mecs ont refusé de s'entraîner. Je vois même pas comment... Enfin, moi, j'ai du mal à accepter qu'on puisse penser qu'ils peuvent un jour revenir, même si leurs prestations en club sont bien, quoi. Mais ils ont complètement déshonoré le maillot et je vois pas comment, enfin, par quelle façon on pourrait leur laisser une deuxième chance après ce qu'ils ont fait, quoi. Mais bon. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus avec Bertine. Le point, c'est qu'on a aussi envie que l'équipe de France nous redonne des frissons, nous redonne du plaisir. Et s'il y a une personne qui est capable de le faire, c'est le sélectionneur actuel, Laurent Blanc, qui de toute façon choisira son âme et conscience. Et il est tout à fait. On connaît la carrière de l'homme, on connaît la stature de l'homme. Moi, je lui fais confiance pour savoir si, un, il est capable de les prendre parce qu'il jugera que les performances sur le terrain sont bonnes. Et deux, le fait de les faire venir ne va pas déstabiliser la cohérence du groupe. Parce que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est le groupe, c'est pas l'individu. Alors au niveau tactique, plusieurs schémas de jeu ont été tentés par Laurent Blanc lors de ses premiers matchs à la tête des Bleus. Et je voulais surtout vous poser la question au niveau de l'animation au milieu. On a été très impressionnés par Mvila ou même par Nasri. Il y a toujours Diaby qui a un impact physique quand même assez important et non négligeable. Et il y a toujours aussi Gourcuff, hein, on en a parlé avant dans le podcast, mais qui peut à tout moment revenir à un très bon niveau tout de même. Je vais donner mon petit avis. Je crois que Mvila, c'est véritablement la révélation. Tout le monde peut le dire. Je crois que ce joueur-là a un potentiel extrêmement intéressant parce qu'il est capable à la fois de récupérer et de relancer. Trop longtemps, en équipe de France, on a eu des joueurs je pense notamment à Jérémy Toulalan, qui, de mon point de vue, est inférieur aujourd'hui. Ça va peut-être en choquer certains, mais en tout cas, ce que j'aime bien chez Mvila, c'est la capacité qu'il a de récupérer le ballon et de faire une passe propre vers l'avant et pas sur le côté ou en arrière. Donc ce joueur-là doit être, de mon point de vue, un élément de base aujourd'hui de l'équipe de France. Après, évidemment, Nasri fait des choses très intéressantes, non seulement avec Arsenal dans l'équipe de France, lui doit être aussi un élément essentiel. Et après, en fonction de l'état de forme du moment, oui, Gourcuff, oui, Diaby, oui, Diarra, qui sont des joueurs très intéressants. Mais je pense que plutôt que de se dire qu'il faut absolument avoir... est-ce qu'il faut faire jouer Gourcuff avec Nasri, ou est-ce qu'il faut mettre Diaby, ou est-ce qu'il faut mettre Diarra, ou est-ce qu'il faut mettre pourquoi d'autres, hein. Je pense que c'est vraiment sur la forme du moment, il faut regarder la performance de l'un ou de l'autre et puis déterminer si on prend l'un ou l'autre. Mais en tout cas, mon milieu de terrain, je pense que là autour de Mvila et Nasri avec en pointillé d'autres joueurs. Qu'en pensez-vous? Sur la question déjà de Mvila, moi je suis pas persuadé parce que pour l'avoir vu jouer avec Rennes, j'ai l'impression que c'est surtout sa qualité première, c'est un joueur qui est capable de s'adapter au niveau. C'est-à-dire qu'il peut être au haut niveau avec l'équipe de France, et un niveau qui est des fois un peu décevant avec Rennes. Et c'est ça qui me fait aussi peur, et qui pour moi est peut-être sa limite, c'est de jouer dans un club qui ne lui permet pas de trop évoluer. Concernant le reste, on a vu un Samir Nasri qui est aussi bon à Arsenal qu'en équipe de France. Gourcuff qui sait s'exprimer en équipe de France, c'est peut-être... ce qui lui permet de pas couler pour l'instant, en fait. Et je veux dire, par rapport à Lyon. Et pour le reste, j'ai l'impression que la défense commence enfin à être plutôt stable, que en attaque on a un Benzema que Laurent Blanc aime titulariser parce que il respecte la logique que Benzema est quand même remplaçant le Real Madrid, des fois titulaire, et Benzema commence enfin à peut-être sortir un peu la tête de l'eau. L'équipe de France joue pas mal parce qu'il marque avec l'équipe de France et que ça lui permet de trouver du crédit qui fait jouer devant Mourinho. Voilà, j'ai l'impression que l'équipe de France a trouvé son équilibre dans une phase de reconstruction, il faut bien quand même le souligner, et la présence de Valbuena aussi, qui est souvent critiquée, mais Valbuena, c'est quand même un gars qui arrive toujours à amener un petit peu de vivacité, un petit peu de folie, et ça fait toujours du bien à une équipe. Alors Benzema est souvent titulaire en équipe de France maintenant, et ça paye parce qu'il marque. Est-ce que selon vous, Karim Benzema peut devenir le futur très grand buteur de l'équipe de France ? Ouais, de toute façon, je n'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres possibilités aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait le tour un peu des attaquants de très haut niveau qu'on a en France, il y a plus de joueurs avec du potentiel que de joueurs confirmés. Et même si Karim Benzema est actuellement remplaçant, et comme le disait Baptiste, parfois titulaire, mais dans des matchs de moindre importance avec le Real Madrid, c'est un petit peu ce qu'on a de mieux en France. Donc il faut lui donner sa chance, il faut continuer à travailler au mental, au moral, ce que fait Mourinho, ce que fait Laurent Blanc. Et ça va finir par payer. Donc après, effectivement, on peut faire monter des joueurs comme Rémy, comme Payet, même si Payet traverse une phase un peu plus compliquée. Il y a d'autres joueurs qu'on peut faire venir à côté de lui, mais Benzema, très clairement, lui, potentiel être un titulaire dans l'équipe de France, surtout aujourd'hui. Bah, le fait qu'on ne trouve pas d'attaquant en France, c'est sûr. Bah, parce que Benzema est dans un club de haut niveau, etc. Il y a Loïc Rémy qui est pas mal et qui a marqué contre la Roumanie qui a eu du crédit. Gignac, qui était à un moment un peu le second souffle de l'attaque française en ce moment, est dans un moment délicat, donc il va pas revenir à mon avis. Enfin, il y a quand même des éléments, mais j'ai l'impression que le réservoir qu'on a en équipe de France est plutôt pas mal et qu'il correspond assez bien à une phase de reconstruction, avec des jeunes qui ont envie de surtout montrer que l'équipe de France peut encore gagner, etc. Ça c'est quand même pas mal, je trouve que l'esprit est bon. Moi, ce qui me plaît beaucoup, notamment avec cette équipe de France, et ce que je trouve assez rassurant, c'est le fait d'avoir une vraie charnière centrale composée pour l'instant de Mexès et Rami, et de savoir que Laurent Blanc veut vraiment que cette charnière s'impose et que ça ne fasse pas comme après le départ de Thuram de l'équipe de France, où là, on ne savait pas qui mettre avec Galas, les défenses centrales n'ont pas arrêté de changer. C'était jamais la même, mais ça devenait quelque peu énervant. Et donc là, moi, je trouve ça agréable de voir que Laurent Blanc fait confiance à ces deux joueurs et a l'air de tout faire pour que ces deux joueurs deviennent en quelque sorte la base défensive de l'équipe de France. Pour terminer le podcast, Stéphane, on peut peut-être revenir sur le projet que tu as, qui est footballistique.com. Donc ça existe depuis presque un an maintenant, hein. Ça va bientôt faire un an si je me souviens bien. Est-ce que le projet avance bien ? Est-ce que tu es content de la tournure que footballistique est en train de prendre ? Alors oui, donc effectivement, nous habitons aux États-Unis depuis 4 ans. Le projet, le site web a été lancé le 3 janvier de cette année 2010 avec un gros push marketing au mois de mai, juste avant la Coupe du Monde. Et je crois qu'on peut dire que le site marche bien. Nous sommes très très contents. Nous sommes 6 personnes dans la société et vous avez déjà parlé avec Nicolas, je crois, dans un podcast précédent, qui travaille pour Footballistique dans la France, en France. Oui, la société marche très bien. Le site a beaucoup de trafic qui vient de 170 pays différents. Nous sommes effectivement extrêmement ravis. Et puis, il y a beaucoup de questions, beaucoup de fonctionnalités qui sortent régulièrement. Nous avons mis à jour notre Last Score dans le courant de la semaine dernière, qui permet non seulement de suivre l'évolution de chacun des matchs dans le monde entier en temps réel, mais aussi de mettre en place des alertes. Donc si vous suivez un match qui se déroule à Singapour, par exemple, la première division de Singapour, vous cochez une case et vous allez avoir une alerte visuelle, bien sûr, mais aussi une alerte sonore, qui fait que vous n'aurez plus besoin d'absolument regarder l'écran pour savoir comment le match évolue, mais une jolie voix synthétique vous dira comment le score évolue. Donc ça fait partie des fonctionnalités comme ça que l'on met en place, que l'on ajoute, qui sont souvent demandées par les internautes eux-mêmes. Et celle-ci, par exemple, cette fonctionnalité nous a été demandée par un de nos conseillers qui s'appelle Nicolas Dieuze et qui, comme vous le savez, est joueur de football professionnel à Grenoble. Voilà, donc ça fait partie comme ça des évolutions du site. Là, nous sommes fin novembre, il y a pas mal de choses qui vont encore sortir. Très, très, très prochainement, nous allons lancer les footballistiques People's Choice Awards, qui veut dire en très bon français donc le choix des fans, des internautes, pour désigner les meilleurs joueurs de l'année 2010. Donc n'importe qui pourra venir sur footballistique.com, sur footballistique.fr, pour dire quels sont les défenseurs, les gardiens, les milieux de terrain, les attaquants, avec un système de vote extrêmement simple. Et donc à la fin de l'année, le 31 décembre, nous pourrons comptabiliser les votes et déterminer quels sont les joueurs préférés des internautes un peu partout dans le monde, et pour décerner le trophée. Donc, notre objectif à court terme, c'est bien sûr d'aller voir le joueur en question et de donner le trophée, de faire des photos, des vidéos, une interview, etc. Donc voilà, pas mal de choses sur le feu, beaucoup de trafic, très très content, et évidemment plus que jamais motivé, puisque je reviens même un instant là, de Rio de Janeiro, où il y avait un grand salon de conférence qui s'appelle Soccerex. Nous avons pu rencontrer des gens du monde entier pour permettre comme ça de développer encore plus ce projet footballistique et transformer ça en quelque chose de véritable raz-de-marée footballistique sur le monde. très intéressant et extrêmement excitant. Moi, de mon côté, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de footballistique qui est très bien faite. Et même si en anglais, c'est très compréhensible pour un Français, ça nous donne souvent des stats sur un match qui va se faire, ou ça nous donne des évolutions, des parallèles qui sont faits, et c'est très intéressant. Malheureusement, là, le podcast se termine. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta première participation. Et donc, on incite tous les gens de Football Right à se rendre sur footballistique.com. Avec plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler non seulement avec vous deux, mais aussi avec les gens qui vous écoutent. Un grand merci à Baptiste pour une belle participation à ce podcast. Merci à vous, et très, très sympa, en tout cas, footballistique.com. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.